suis rouge, mais c'est pour ça goûte soleil. Encore? Eh non, mais t'as. Je t'avais prévu 14h, hein? Ouais. Mais il est quoi, 14h30? Ouais. Mais je me suis dit. Non. Le canard. Tu pensais que je t'avais posé un lapin? Mais non, après, je me suis posé. Non, il y a un quart d'heure, je me suis dit. Mais t'avais pas mon cellulaire, hein? Non. C'est pas grave, écoute. Ben, j'étais là, j'ai dû changer pour. Pour que tu me. Mais par rapport à l'alerte à la bombe. Ah oui, mais c'est ça, j'ai dû changer de parcours. Ouais. Donc, sortir à l'extérieur pour prendre des renseignements parce que ma carte, c'est des petites cartes Et donc, j'ai fait 3 transferts. Pour pouvoir revenir. Ouais, voilà. Et parce qu'en plus, il faut que je te raconte ça. Vas-y. Avant de. Ça va bien? Oui, ça va. Excellent. Même les pattes de ce truc-là sont. C'est vachement bien comme truc, ça. Ouais, mais j'ai pas juste ça. Ça, c'est mon côté paranoïaque. Parce que j'ai 2 micros. C'est vrai? S'il y a un flanche, j'en ai toujours un. On sait jamais. Oui, et voilà. Et t'es à Paris pour quelques jours, là? Oui, exactement. T'as bien répété mon couvre-micro. J'adore. Une petite bonnette. Oui, c'est ça, oui. C'est une invention de ma part. Parce que c'est oui, un. Ça prend moins le vent et tout ça, non? Oui, non, mais c'est pas le bon bonnet pour le bon truc. Parce que ça, c'est pour des micros. Tu sais, ben tu connais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je mets même des micros, des bonnets à des micros. Comme le. Est-ce que tu connais le Champol 53? C'est. Tous les musiciens prennent ça pour se mettre. Toi, t'en prends un pour le spectacle. C'est le SM58, moi, je pense. SM58, voilà. Ouais, voilà. Mais et tu mets une bonnette dessus, toi? Oui, mais c'est ça. Tu savais qu'il y en avait déjà une à l'intérieur? Oui, une toute petite. C'est ça, une exact. Oui, ouais, mais moi, j'en remets une autre par-dessus mon côté paranoïa. On sait jamais. Ouais, on sait jamais, oui. Non, mais j'ai une copine, je lui dis, mais mets une bonnette sur ta caméra, je suis sûre que ça ira mieux. Donc, sur la caméra? Ouais, tu sais, les grosses caméras. Là, ah oui, sur le micro. Sur le micro, parce qu'à chaque fois, ça fait des espèces de trucs. Soit ça prend trop de vent, soit. Mais t'as-tu vu la conception de ce truc-là? Non. Double micro. Mais c'est comme un zoom, en fait. Exactement. Alors, les bruits ambiants sont assourdis. Puis ta voix est mise en évidence. France Inter, là, devrait utiliser ça. Non, ils doivent prendre quelque chose. Parce que ça, c'est plastifié, mais eux doivent avoir un truc en métal. Plus professionnel. Ben, pas plus professionnel, mais en métal. D'accord. Ça, c'est version plastique. Là, c'est le modèle intermédiaire. Je t'ai amené un dossier de presse, tout ça. Est-ce que tu le voudras? Oui. Ouais. Ben, j'en ai déjà imprimé un, là. Mais j'en ai un nouveau avec tout. Tout ce qu'on a de nouveau là. As-tu un nouvel album? Bah ça tu l'as déjà, non? Je l'ai pas lui. Tiens. Merci. T'as eu des autocollants? Non, t'as pas eu d'autocollants. Ben non. Merci. Tiens. Ah, celui-là, il est. Voilà. Je vais placer ça à l'intérieur pour pas. Il y a donc pour pas qu'il y ait de. T'as tout là. Merci. Tout ce qu'il y a de nouveau. Et mon dos, hein. C'est sérieux? Ouais, c'est sérieux, hein, t'as vu ça un peu? Et... Ouais. Un groupe qui a de l'âge. Ouais. De quoi? Le groupe a de l'âge. Ouais. Ça se voit dans le. Mais écoute, c'est quasiment que cette année, ça. Ah oui? Ouais. Oh. Là, je vais mettre ça. Je vais mettre ça comme ça. Mettre ça comme ça. Tu mon truc, rideau fermé, rideau ouvert, comme ça. J'en ai des lunettes comme ça sur ça. Avec ça? Non, en fait, c'est des jaunes fluo. Ah oui, oui, je les ai vus. Bah oui, oui, tu les avais avec les Wampas il y a 2 ans. J'ai tout remarqué ça. Et bien voilà, ça comme ça, ça comme ça. Ça, on cache ça selon un musicien pour pas se le faire choper. Et du coup, tu vois les Raoul après alors? Non, eh bien, c'est ça. Il y a eu un changement, je les ai rencontrés hier. D'accord. Là, je rencontre Romain. C'est qui? Romain qui travaille avec les Wampas. Qui, D'accord. Tu le connais? C'est ton ami Facebook. Ben, je pense que je le connais, oui. Ben oui. Romain. Parce que les Raoul, du coup, ils jouent juste à côté de chez moi, là, dimanche. Oui, exactement. Donc, je vais y aller, en fait. Ah oui, oui, c'était incroyable. Ouais. Ah ben oui. Parce que je les ai jamais vus sur scène, moi j'ai vu des images et tout, enfin tu vois des. Tu n'as jamais vu le DVD des spectacles? Non, j'ai pas. Hallucinant. Mais ouais, du coup je trouve que ça tombe plutôt pas mal quoi. Puis rien à voir avec les Wampas, rien à voir, c'est tout à fait différent. C'est du cirque. Ouais. C'est moi, du coup, j'étais emballé. Il y a un romancier au Québec qui s'appelle Michel Tremblay. Ouais. Tu connais pas? Non. Bon, Michel Tremblay, c'est un type qui fait appel à un univers de travestis, ouais. de gens prolétaires de Montréal, puis aussi le plateau, les bourgeois. Ouais. Et à travers ça, c'est tout à fait ça. C'est du cirque, c'est la jonglerie, c'est la fanfare, c'est la fête. Tu vas adorer ça. Ouais, je vais adorer, je pense. C'est plein air, hein? Mm-hmm. Mm, c'est ça. J'espère qu'il va faire beau, on croise les doigts, là, oui. Parce que... Oui, oui, c'est où? C'est juste à côté de Saint-Étienne, ça doit être à 30 km. Mais toi, tu habites pas Paris? Pas du tout. OK. T'es ici de passage ou...? Je suis ici de passage et puis j'ai de la famille, du coup j'en ai profité, tu vois, pour voir de la famille. En même temps, je vais aller démarcher deux, trois lieux et tout ça. OK, mais c'était pas prévu que tu viennes ici? Non, mais je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, hein? Là, je cherche la première question, peut-être que... Alors, il s'appelle Romain Hérézy. Je sais pas qui c'est. Tu connais pas? Il est sur scène ou pas? Non, c'est un tourneur, il produit des groupes punk. Ah, c'est un gars de Lovett? Oui. D'accord. Oui, oui. En fait, c'est lui qui s'est invité. D'accord, ben c'est bien, il a bien. Ben c'est le premier, j'ai trouvé ça intéressant, ouais. Parce qu'on devait se rencontrer à Montréal il y a 2 ans, ça n'a pas fonctionné, hein? Pas de budget selon moi, il me semble. Ben lui, pas de budget pour venir à Montréal, donc là, ça donnait, j'ai laissé sur Facebook le fait que je m'emmenais à Paris, et il dit, ben il faudrait que tu me rencontres. Ben ouais. Ben, c'est un des rares qui m'amène à le rencontrer comme ça. Je dis, OK, parfait, on va se rencontrer. Attends, ça vaut le coup. Et c'est ça, donc, après ça, on va commencer, OK? Et j'arrive de, comment ça s'appelle, donc... Le grand. C'est une affaire juif, le grand. À côté des jardins. Le grand. Puis bien, c'est parce que la chanteuse en question est enceinte, donc je vais pas trop. Ah, oh, la grande mosquée. Mais là, la grande mosquée, c'est quand même assez loin, c'est 45 minutes. Ah ouais, quand même. Puis oui, mais mon rendez-vous était à 11h30. Mais là, j'étais dans la grande mosquée, mais c'était pas dans la grande mosquée. C'était à côté. Ben, c'était un café dans la grande mosquée. Fait que là, j'entends les oiseaux de son côté. J'entends les oiseaux de mon côté. Je dis, hey, moi, il y a des oiseaux, il y a des plantes. Elle dit, moi aussi. Ben, voyons, je dis, là, je vois pas de café, je vois rien. Alors là, il y a un type qui priait. C'est là-bas. C'est ça, là, je dis, est-ce qu'il y a un endroit où on peut prendre du thé? Il dit, oui, oui. Là, vous tournez à gauche et vous tournez à gauche. Fait que là, j'étais avec le cellulaire, ouais, mais là, si je tourne à gauche, je tourne à gauche, je dis, ah, je te vois, là, je vois. Ah, mais oui, t'es là. Fait que c'est ça. Donc. Mais on échangera nos téléphones. Oui, ben oui. Ben oui. Quand je viendrai à Québec, au Québec. Est-ce que tu viens souvent? À Paris? Non, à Québec. Non, jamais. J'y suis jamais allée, mais on aimerait partir courant de l'automne pour essayer de faire une tournée là-bas. OK. Pour des dates. Mais tu reviens de Russie? De Slovaquie. Slovaquie? Ouais. Sais-tu que chez nous, il n'y a pas de... Toi, c'est Chouinard, hein? Ouais. Mais il y a plein de Chouinard. J'ai plein de familles. C'est Chouinard. Chouinard chez nous. Ouais, ben c'est ma famille. Mais toi, c'est Chouinard. Ouais, mais ça... en fait, ils sont partis en 1600 et des bananes. OK. Donc, du coup, le nom un petit le peu Le Chouinard a changé pour Chouinard. Ouais. Et t'as beaucoup de personnes qui restent au Québec? Des descendances. Je pense, oui, je les connais pas, mais je crois que beaucoup, ouais. Il y a toute une partie de la famille qui est partie au Québec, en fait. Et, et c'est là, je crois, que de Chouinard, ça s'est modifié. Ouais, ouais. Chouinard, Chouinard. Ouais, Et toi, tu es dans la musique. Bonjour, Chloé Chouinard. Ouais, voilà. Ça va bien? Oui, ça va. On tourne. Voilà, très bien. Mais j'aime ça parce que ça a l'air de rien. Prépare mon micro, je mets tout à un. Normalement, ça fonctionne. Oui, tout est beau. Tu es chanteuse punk? Plutôt chanteuse de rock électropical. Électropical, voilà. OK. Qui donne, qui amène le cœur en fête. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on recherche en plus. OK. Que les gens passent un bon moment, qu'ils fassent la fête, qu'ils soient heureux et qu'ils repartent heureux. Voilà. Et vous tournez depuis quand même assez longtemps? On tourne depuis... le premier album, il est sorti en 2003. Voilà. Et après, il y a un deuxième album qui est sorti en 2007. Et le nom du groupe? Dandy Freaks. Oui, Dandy Freaks. Voilà. Dandy Freaks. Dandy. Les dandys élégants. Oui, c'est ça. Excentriques. Oui. Et un deuxième album en 2007. Et un troisième album, là, qui vient de sortir, il est 2010-2011, quoi. Voilà. Mais on te voit aussi quelquefois avec le groupe Les Wampas. Ouais.

Alors donc, le changement d'écriture s'est senti du début jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des gens, toi qui étais mime, tu t'es incorporé, donc tu as mis ton grain de sel. Ouais. Mais au début, tu étais juste là pour amener la faille. Voilà, de l'intervention scénique. Et donc du coup, j'étais pas tout le temps sur scène, j'allais en coulisses et je changeais de costume. Je devais avoir 4-5 costumes différents. Et ça, il y a combien de temps, là, combien d'années? Comment? Il y a combien d'années que tu t'es amené de la mimique à la chanson? En fait, avec ce dernier album, ça a été vraiment le virage. Ah, avant ça, tu faisais encore de la mimique? Ouais. J'étais vraiment complètement grimée. Et tu chantais pas? Je faisais des ou-ou. Ah, ok, les cœurs. Mais là, vraiment, là, je suis devant de scène, je chante avec Rodolphe. Et tu te sens tout à fait à l'aise et tu te libères. Ouais, de plus en plus. Ok, et avant, tu t'accomplissais un peu moins et maintenant, j'avais peur, en fait, tu sais, comme partout, t'as des doutes, tu sais pas, tu te dis, mais je vais chanter faux. Tu prépares le micro en conséquence et il n'y a pas de problème. Bon, quand ça va pas, je fais comme ça. Exactement, où tu t'éloignes. Hein. Ouais. Et puis le travail de création, est-ce que c'est constant ou c'est à des moments précis? On est plus à des moments précis, en fait. OK. Ouais. Vous êtes en groupe pour créer ou si vous êtes... Ah oui? Ouais. Là, on va faire même des ateliers de création. Encore là? Même si l'album vient de sortir? On va commencer à écrire le prochain, là. Donc on va partir en atelier de création, on a plus envie de faire quelque chose dans un lieu hors contexte, hors de Saint-Étienne. On se retrouve tous les quatre et on crée. Il n'y a pas d'endroit? On ne sait pas encore, si peut-être dans le midi de la France, parce qu'il y a ma famille qui a une maison là-bas, on se dit peut-être qu'il y aurait moyen de rester une semaine. Un lieu tranquille, pour créer. Voilà. Une semaine, c'est assez? Mais c'est les premières ébauches. Et puis après, on verra si on a besoin de plus. Après, on voit si on peut partir de ça pour finaliser des choses. Et puis, on va voir comment on va faire. OK. Mais déjà, vous avez aucune idée? Si. Okay. Il y a déjà des morceaux qui sont... OK, il y a des ébauches. Oui, il y a déjà des ébauches. Il y a peut-être... Thierry, il est très productif, en fait, en machine. Très, très productif. Donc, il a déjà plusieurs morceaux qu'il nous a présentés. Alors, on doit s'attendre toujours à un changement d'orientation musicale? Ça sera du rock électropical. Comme le dernier? Beaucoup plus affirmé que le dernier. OK. Le dernier, on était encore... D'expérimentation. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de critiques qui nous ont dit « Mais il est un petit peu trop diversifié, votre album. » Et donc, oui, tout à fait. Mais parce qu'on a testé plein de choses. Oui. On s'est dit « Ben, voilà, on va faire l'album qu'on a envie de faire. » Êtes-vous indépendant? Au niveau de label et tout ça? Oui. Non, on est en coproduction avec un label de Saint-Étienne qui s'appelle Yes Music. Et on a notre petit label à nous, la Nina Records. Vous êtes ouvert une petite entreprise pour... Oui, c'est une association qu'on a depuis 2004 pour être un peu autonome. Et c'était important pour nous de faire de la coproduction, en fait, pour pouvoir avoir toujours une part d'autonomie. Ça nous semblait important même dans le développement parce qu'après, on aurait trop tendance à reprocher au label de ne pas faire ci ou ça. Ouais, ben oui. Donc nous, ça nous demande toujours d'être acteurs de quelque chose, en fait. Okay. Et c'est bien parce que chacun aussi peut travailler... À sa façon. Voilà, c'est ça. Puis la liberté aussi d'avoir... Et puis ça se combine au bout du compte, donc c'est pas mal. Est-ce que la distribution est difficile à faire ou si c'est la FNAC qui peut vous... Là, on a eu beaucoup de chance. En fait, moi, j'ai envoyé des dossiers à tous les distributeurs de France et de Navarre. OK. Et 10 jours après, on a Anticraft qui nous a répondu tout de suite en voulant signer tout de suite. Oh, donc, c'est bien. On a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'ils ont... En fait, ils ont trouvé qu'il y avait un vrai projet, un truc qui semblait un petit peu différent. Je vais te laisser une adresse au Québec où tu pourras envoyer ça. Puis le disquaire en question, c'est un disquaire indépendant. Et lui aime bien ce genre de choses-là. Ah, ouais. Alors, je vais te laisser ça après l'émission. Il y a Radio-Canada qui nous diffuse aussi. Oui, ben oui. Ouais. Ben oui, il y a Monique Giroux qui... Tu connais Monique Giroux? Non. Non? Mais ouais. Je sais qu'on est diffusé là-bas. Oui. C'est la radio comme France Inter ici, la radio d'État, donc qui laisse la place. Qui est beaucoup aimé à cause des Caraïbes. Ah ben oui. Et d'ailleurs, on a fait un clip avec David Vallet qui travaille avec les Pampas. Okay. Ah oui, avec À cause des Caraïbes, un Scopitone. Ah, voilà. Ah ben c'est bien. Ouais. Alors donc, vous vous recroisez toujours? Hein, oui, mais là, on est même de plus en plus proches. On s'est vu il y a un mois. Okay. Et puis je vais essayer d'aller les retrouver sur les prochaines dates. Il faut que je regarde ce qu'ils sont. Okay. J'ai envie d'aller voir. Et tu les appelles, tu regardes, je vais être là. Est-ce que je peux? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était Printemps de Bourges. OK. Voilà. Mais c'est étrange parce que vous, toi, tu es déjà là, tu pourrais prendre le bus ici à la gare, mais non, tu te présentes sur place. Pour l'avant-passe? Oui. Ah oui, non, mais normalement, tu pourrais prendre le corps avec eux puis partir avec les délires, avec les musiciens délirés. Ouais, mais en plus, ils ont déjà fait ça avec d'autres. Oui? Non, ils sont après. Il faut demander l'autorisation, c'est toujours pareil. Mais... Oh, oui, mais c'est quand même assez facile. Ouais. Hey, j'ai 10 questions. Oui. Tu peux soit y réfléchir ou soit aller bon an, mal an. Si, ça, c'est des 10 questions de la fin. Et tu vas voir, c'est très simple. Si tu étais un liquide? De l'eau. Pourquoi? Parce que c'est fluide et transparent. Et c'est la vie. Ça représente la vie. Si tu étais une ville? Je crois que Paris, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que j'aime bien Paris. C'est un pays dans le pays. Aimerais-tu y habiter? Je crois. Mais monétairement parlant, tu peux pas. Ça serait difficile, il faudrait trouver une colocation. Oui, effectivement. Mais Saint-Étienne, de Saint-Étienne à Paris, c'est combien de temps? 3 heures. En TGV? Ouais. Bon, ça va. C'est comme Montréal-Québec. Ouais. Ben, tu sais pas, mais en tout cas, tu verras un jour. Ouais. Si tu étais une langue? C'est difficile, ça. Ben oui. Le slovaque. Ben oui, pour être à l'aise sur scène, parce que tu fais des tournées en Slovaquie. Hein, c'est, non, en plus, j'aime bien le slovaque. Ah oui, t'aimes bien la sonorité? Oui, carrément. Est-ce que c'est des fêtards? Ils ont toujours des voix assez graves, assez profondes. Oui. Est-ce que c'est des fêtards? Ouais. C'est un peu difficile parce qu'ils ont vécu un peu le communisme. Du coup, ça a conditionné pas mal ce peuple, mais c'est des gens très présents, en fait. Avec une joie de vivre, malgré tout. Et c'est bizarre parce que les Français, ils ont toujours 3-4 idées derrière la tête. Quand on leur parle, on sait jamais trop si c'est du lard ou du cochon. Eux, ils sont assez bruts de forge. Si c'est du lard ou du cochon, ok. Ah, c'est bon, ok. Alors, eux, ils ont pas d'ambiguïté. Eux, c'est aucune ambiguïté. C'est assez présent. C'est soit je suis là, soit je suis pas là, soit de... Ah, mais c'est bien, c'est comme un Québécois. Ouais. Si tu étais présent dans le regard, quoi. Ah, ouais, mais ouais, ça dépend de quelle personne. Si tu étais une époque... Moi, j'ai bien aimé toute l'époque de Louis XIV et tout ça. Hein? Comment? Pourquoi? Je sais pas. J'ai eu une impératrice, tu vois d'être une impératrice? J'ai toujours, quand j'étais ado, je lisais plein de toute l'histoire de cette époque-là. Ça me faisait rêver. Après, c'était un petit peu... Bon, ça faisait pas tout rêver non plus, mais je sais pas, il y avait un mais truc de grandeur. Mais tu voudrais être quoi, princesse? Non, pas du tout. Je sais pas, je trouvais que c'était... Une belle vie. C'était assez... Après, quand on regarde dans les détails, non, c'était pas une très belle vie, non. Non. Mais il y avait En apparence, oui. Mais je trouvais que c'était complètement improbable. Il y avait plein de choses contradictoires. Oui. Unique. Ouais. Unique. Si tu étais un mot. Un mot. Une parole, je sais pas pourquoi, mais... Une parole? Ouais. Parole, le mot parole? Ouais. Ok, comme la chanson de Dalida. Parole. Si tu étais un aliment? Un aliment? Mais j'ai des trucs complètement idiots qui me viennent à l'esprit. Vas-y. De la purée, mais... De la purée de quoi? De pommes de terre. Ok. Parce que j'ai mangé plein de pommes de terre en Slovaquie pendant 10 jours non-stop. Ah ben, parce que eux, leur messe, c'est la purée. Une pomme de terre matin, midi et soir. Pas de la purée, de la pomme pas de terre. Pas le matin. Non, le matin, c'est de la charcuterie. Ah, enfin, oh, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, moi, qui est très sucre, j'aimerais bien. Ouais. Écoute, on reviendra à ça. J'ai une autre idée. Aujourd'hui, en 2011, quelles sont tes inspirations musicales? Mes inspirations ou mes aspirations? Non, ceux que t'écoutes, ceux que tu suis, ceux qui t'ont inspiré, qui t'ont amené, je sais pas, ça peut être autant ancien, Gainsbourg ou... Y a vachement, Lerita Mitsuko, maintenant Catherine Ringer, j'aime beaucoup en fait. En solo, tu l'adores? Ah, j'aime beaucoup. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu 2 fois. Elle est passée à Québec il y a 2 semaines. Je trouve que c'est d'une fragilité, c'est à fleur de peau, j'aime beaucoup, puis la voix... Fragilité, tout. Ah, j'aime bien. J'ai vachement écouté Le Tigre aussi. Qui? Le Tigre. Ok. J'écoute... On connaît pas, nous, Le Tigre. C'est un groupe anglais. Ah, Tiger? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'écoute? Anglais d'Angleterre? Ouais. J'écoute un peu d'électro, voilà. Après, j'écoute... Massive Attack, des trucs comme ouais, ça? Ouais. Ah oui, ben là. Après, moi, c'est au niveau des noms, j'écoute un peu ce qui me passe. Sonic Youth, non? Non. OK. J'avais écouté pas mal de Cold Cut aussi, Jeff T. Guillaume, on a fait les nuits sonores cette année, genre DJ Shadow, ça aussi j'avais beaucoup aimé. Ah oui, c'est bon DJ Shadow. J'avais The Shoes. Et? The Shoes. Ok, oui. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, okay. Que j'écoute aussi. The Experimental Tropic Blues Band. Et maintenant, oui, ok. Ça c'est génial. Oui, ok. Qu'est-ce que... Success aussi, qu'est-ce que j'aime à l'heure actuelle. Voilà. Si tu étais une saison? L'été. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et que c'est les vacances. OK, mais là, il pleut. Ben, on a eu quelques gouttelettes, mais le soleil, ça pointe. Mais je suis pas chez moi, je suis à Paris, du coup, voilà, je suis en t-shirt. OK. C'est la beauté de l'été. Ouais, les gens sont décontractés, il y a une espèce de légèreté. De joie de vivre, voilà. Qui ressemble un peu à ton groupe. Voilà, et finalement, je crois, mon tempérament aussi. OK, relax, légère. Légèreté, ouais. Parce que relax, je suis assez un peu anxieuse. Ah oui, mais ça se voit pas. Mais c'est que ça va, là, c'est OK, cool. OK. Il y a des moments plus turbulents. Là, je suis pas en zone de turbulence. Non, okay, là, okay. On est en vol tranquille. Mais tu devais l'être avant. Ouais. En m'attendant, tu devais être assez turbulent. C'est ça, il vient plus de temps, il m'a filé. Il ne se pointera jamais. Il n'est même pas à Paris. Il m'a fait croire qu'il était à Paris. Ah, c'est ça, ouais. Il est coincé à Québec, là. Il reste à Québec, le salaud. Si tu étais un membre corporel? Une jambe. OK. Pourquoi une jambe? Enfin, les deux jambes, jambes. Pourquoi? Pour pouvoir se déplacer. OK. Si tu étais un moment de la journée? Le matin. Ah oui, t'es une fille du matin? Pas du tout en plus. OK, mais OK. J'arrive à me lever le matin, j'aime beaucoup le matin. OK. Comme tu te couches tard, tu te lèves tard? Oui, je me lève tard. Mais à chaque fois que je me lève le matin, j'apprécie la couleur. Mais à quelle heure le matin? Ça dépend. 6 heures? Non. OK, non, ça c'est de la solution. Non, okay. Oui. C'est l'heure que tu te couches. Oui, voilà. Okay. Non, pour moi le matin c'est 9h, 10h. OK, ouais. Ouais, c'est assez raisonnable. Mais j'aime bien la lumière, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'ambiance du matin aussi. La senteur du matin, ouais. La petite rosée. Mm. C'est un peu plutôt la rosée. Mm. Si tu étais un autre individu. Elvis Presley. Ah oui, mais t'as un côté. Mais j'ai pas voulu te le dire, t'avais un côté Elvis. Eh oui. T'as remarqué aussi, ben oui. C'est la banane. La banane à l'Elvis, eh oui. Mais pourquoi Elvis Presley? Love me tender. Ben le jeu de jambes. OK, ah, voilà. Le côté de jambes. OK, oui, jambes. Mais ça t'a vraiment influencé? Non, je sais pas. Ah, c'est une connerie. C'est Elvis. Aujourd'hui, ce sera Elvis. OK, mais demain, ça peut être Marilyn Monroe. Exactement. OK, Elvis aujourd'hui. Voilà. Mais t'as jamais entendu une chanson d'Elvis là, avant de venir ici? Si, quelques-unes. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. OK. Non. Ah, ben Elvis, OK. Mon Elvis. Ben écoute, merci d'être passé à mon émission. Et j'espère que tu viendras en tournée à Québec et oui. Au Québec. Oui. Et ben ton album est... Oui. On va préparer ça, en fait. Ben oui, avec un tournage. Ouais. Puis ton album est disponible sur Internet. Oui. On peut se le commander. On peut se le commander sur CD1D, on peut se le commander sur Believe. iTunes. Hein? iTunes, iTunes. Ouais. Avec iTunes. On peut le commander aussi dans toutes les FNAC si on est en France. Ben non, mais voilà. Même si on n'est pas en France, on peut au Québec acheter grâce à la FNAC ou Amazon.fr. Voilà, c'est ça. OK. Alors, quatrième album? Troisième. Le quatrième en... Qui est en prévision pour dans un an et demi. OK. Et sinon, on peut aller voir tes vidéos. Oui. On peut devenir ton ami Facebook. Oui. Du groupe. Oui. Alors c'est j'aime, on clique sur j'aime. Alors on a une page fan et une page amie, mais on va essayer de faire basculer tous nos amis sur la page fan pour avoir... Alors on a juste éventuellement cliqué sur j'aime. Voilà, c'est ça. Et on aime pour la vie, bien sûr. Pour la vie, bien sûr. Oui. Et vous êtes un groupe, donc, continuellement en évolution, puisque vous faites un album au deux ans? On a eu un grand moment de sans album, parce qu'on avait fait un album, mais qui n'a jamais pu sortir. Et qui pourra jamais sortir? Parce qu'il y a eu un problème de distribution. Donc on vous l'avez déjà? Vous l'avez en boîte? Ouais, on l'avait. Il a été enregistré, mixé, masterisé, tout ça. Et on n'a jamais pu le faire presser. Mais, OK, mais pourquoi vous ne le glissez pas à un moment donné sur un autre... Eh bien, du coup, en fait, ça, le premier s'appelait K. Donc ensuite, il y a eu Tolérance Zorro qui a été... Zorro? Voilà, okay. Qui n'a pas pu sortir. Et ensuite, il y a eu Zombie Stars. Et on a pioché des... Ah, OK. Voilà, quelques titres okay. dans Zombie Stars. Et ensuite, il y a eu La Source. Le retour à La Source. Le retour, ben oui, l'eau. Voilà. L'eau, c'est La Source. Voilà. Alors, ben merci Chloé. Ben merci. Et puis, on se rencontre à Québec un jour voilà, à CKRL. Voilà. À CKRL directement à la station. Exactement. Où tu pourras faire une prestation avec ton groupe. Oui, oui, quand même. On est très ouvert à la scène musicale et surtout au fait de faire ça en direct. Mm-hmm. Ah, ben très bien. Donc, peut-être pendant le Radio-Ton, on ne sait pas, nous avons un Radio-Ton, nous, à CKRL. Ouais, ouais, non, non. Ah oui, on sauve les horizons. Banco, moi je dis Banco. Banco, d'accord. Acheté, vendu. OK. Salut. Salut. À la prochaine. À bientôt. Comme je finis toujours avec ça, à la revoyure. À la revoyure. Bye bye. Ciao.